بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، نواصل دراستنا في سيرة أنبياء الله عز وجل، سائلين الله جل وعلا أن ينفعنا بهذا العلم وأن يرزقنا العمل، فنسأله جل وعلا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. وبعد، donc on va continuer inshallah sur l'étude des histoires qui nous sont relatées dans le Coran concernant les prophètes et des envoyés d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais ainsi que d'autres histoires aussi qui nous sont mentionnées dans le Coran, qui ne sont pas forcément des histoires liées à l'histoire d'un prophète ou d'un envoyé, comme on verra dans ce qui viendra, inshallah, ça nous le permet dans des prochaines assises. Donc vous avez pu constater dans les assises précédentes, dans ces rappels précédents, donc on a étudié la vie, ou plutôt on a essayé d'évoquer certains épisodes et faits et événements importants s'étant produits à l'époque pendant la vie de certains prophètes et messagers, comme on l'a fait pour le messager, le prophète Nuh, alayhi salam. Ensuite, on avait pris aussi certains faits, événements qui s'étaient produits pendant la vie du prophète et noble envoyé Ibrahim, alayhi salam, le père des prophètes, Khalil ar-Rahman, alayhi salam, que la paix soit sur lui. Et donc, on avait parlé de certains faits, on avait parlé de certains événements qui s'étaient produits pendant la vie du prophète Ibrahim, alayhi salam. On avait aussi relaté certains faits de la vie du prophète Daoud, alayhi salam, faisant partie aussi de la descendance de Ibrahim, alayhi salam, parmi les enfants d'Israël. Et donc, Daoud, alayhi salam, ce prophète dont Allah, jalla wa'ala, l'avait comblé de nombreux et immenses bienfaits, on voit qu'Allah, jalla wa'ala, fait l'éloge de Daoud dans le Coran. Et justement, commande le prophète sallallahu alayhi wa sallam de se rappeler, de se remémorer le serviteur Daoud alayhi salam, et ça fait partie des mérites de Daoud. Et on avait parlé de certaines vertus, certains mérites qu'avait Daoud. Donc Daoud avait réuni, comme on avait dit, entre le pouvoir et la prophétie, et c'était un serviteur reconnaissant de tous ses bienfaits dont l'avait comblé Allah subhanahu wa ta'ala, du fait qu'il était aussi fervent dans l'adoration de son Seigneur. Et on verra que plus tard, ensuite, son héritier, lorsqu'on parle d'héritage, Suleyman, qui héritera de lui la prophétie, puisque ce qu'on hérite d'un prophète, ceux qui ont hérité de prophètes, comme Suleyman qui a hérité du prophète Daoud, c'est la prophétie. Il a hérité de la prophétie. Mais aussi, on a parlé de ses grands bienfaits qu'il avait, ce pouvoir qu'il avait sur les shayatines, sur les djinns, sur des animaux. Allah Jalla Wa'ala avait mis tout cela à son service. Et donc, la fois dernière, dans la dernière assise, on avait parlé de cette immense et grande histoire, cette histoire exceptionnelle qui a eu lieu à l'époque de Suleyman avec cette reine qu'on appelle la reine de Saba et qui est surnommée Bilqis. Et Ce qu'il faut avant de passer à une autre histoire, parce qu'on va passer, Inch'Allah, à une autre histoire, Bismillah, ce qu'il faut savoir et ce qu'il faut retenir de cette histoire, regardez l'appel, comment l'appel de Suleyman était pertinent face à cette reine Belkis, et comment ensuite elle a embrassé la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, et comment ensuite elle s'est soumise donc à Allah subhanahu wa ta'ala, par l'intermédiaire de l'appel de Suleyman alayhi salam, comment Suleyman a appelé cette reine Bilqis, la reine de Saba, et son peuple à revenir à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors qu'il s'adonnait à l'adoration du soleil. Et donc c'était un peuple polythéiste. Et cette reine donc était une reine à la base, qui s'adonnait au culte du soleil. Et Suleyman l'a ramener vers le monothéisme, vers l'adoration du Créateur seul et unique, Subhanahu wa Ta'ala. Donc on avait appris la fois dernière de nombreux enseignements à tirer de cette histoire, et parmi ces enseignements on avait appris, hein, on avait énuméré de nombreux bienfaits qu'Allah Jalla avait octroyés à Suleyman, mais cela n'a pas empêché Suleyman de rester ferme, fervent, constant dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi les particularités qu'on a évoquées, ça fait partie des grandes adorations qu'il faut vraiment méditer, le remerciement, le fait de remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc ces prophètes ont cette qualité et cette caractéristique de rester constant dans le remerciement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc ils ne sont pas aveuglés par les biens d'ici-bas, et ne sont pas aveuglés par tout ce qu'Allah Jalla leur a donné, et malgré tous ces biens, cela ne les aveugle pas, et ne les écarte pas, et ne les détourne pas de l'adoration d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et donc ça, c'était vraiment des enseignements, des leçons à tirer. Le croyant, lorsqu'il étudie les histoires des prophètes, un point très important, il ne faut pas se dire, oh, ça j'ai déjà entendu, je connais. On doit toujours relire ces histoires, puisque ces histoires nous sont mentionnées dans le Coran. Donc on doit toujours revenir, on doit toujours relire, reméditer ces histoires-là des prophètes et des messagers. Ne pas se dire, oh, j'ai déjà lu, je connais. Mais non, il faut toujours revenir, il faut toujours relire. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours, après la méditation, il y a toujours des enseignements immensément profitable ensuite qui viennent à l'esprit par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le fait justement d'étudier ces histoires qui nous sont relatées dans le Coran, comme on a dit, Allah Jalla wa'ala, s'il nous parle de ces prophètes et nous parle de ces histoires et nous relate cela, subhanahu wa ta'ala, exalté et glorifié soit-il, c'est qu'il y a de nombreux enseignements, c'est qu'il y a un bien, ce n'est pas en vain que cela a été mentionné. Et donc, on voit que les modèles à suivre, ce sont les prophètes et les messagers. Les exemples à prendre, ce sont les prophètes et les messagers. Et c'est pour cela que lorsqu'on lit ces histoires, et on voit comment, à l'époque, ces peuples, vers qui étaient envoyés des prophètes et des messagers. Donc Allah, Jalla wa'ala, envoyait des prophètes et des peuples. Envoyait des prophètes vers des peuples. On voit que ces peuples étaient plongés dans l'égarement, étaient plongés dans les ténèbres du polythéisme et de l'adoration de autre qu'Allah, en pensant qu'ils faisaient bien. Et on déduit de cela parmi les enseignements, c'est que des gens peuvent être plongés, malheureusement, dans l'égarement en pensant qu'ils font bien. Et toute leur vie, ils pensent qu'ils font bien. Et toute leur vie, ils sont éblouis par leurs actions. Et toute leur vie, ils ont cet espoir de bien faire. Ils ont cette conviction qu'ils font bien. Alors qu'en réalité, ils sont dans le plus grand égarement. Et c'est ça le plus grand malheur. C'est pour ça l'une des plus grandes invocations, c'est d'invoquer Allah Jalla de nous guider. C'est pour cela, lorsqu'on lit ces histoires, et lorsqu'on voit l'histoire de ces peuples vers qui étaient envoyés les prophètes et des messagers, et Allah les envoyait par miséricorde, donc c'est une miséricorde pour toute l'humanité, on se rend compte que le fait de lire ces histoires, et le fait d'accorder foi en ces prophètes et des messagers, et le fait de suivre ce message-là, jusqu'à aujourd'hui, regardez toutes ces générations qui sont passées. Regardez ces millénaires. Regardez ces siècles, ces millénaires qui sont passés depuis ces prophètes et ces messagers. Et nous, aujourd'hui, en implorant Allah subhanahu wa ta'ala qu'on fasse partie de ces gens qui sont sur un monothéisme pur, qui sont sur la voie des prophètes et des messagers. Imaginez-vous, à votre époque, vous êtes des partisans, vous faites partie de ceux qui accordaient foi et qui suivaient les prophètes et les messagers. Connaissez-vous un plus grand bien que ça, dans cette vie d'ici-bas? Vous êtes sur la voie des véridiques, sur la voie des prophètes et des messagers, sur la voie de ceux qu'Allah Jalla leur a envoyé l'ange Jibril pour leur transmettre la révélation, sur la voie de ceux qu'Allah Jalla a choisi pour transmettre son message et sa révélation. Depuis le père Adam et avec le premier messager Nuh alayhi salam jusqu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Imaginez-vous qu'aujourd'hui, une personne est sur la voie des prophètes et des messagers. Une personne, un homme ou une femme, il suit ces enseignements-là. Il prend les prophètes et les messagers comme exemple. Alors que des peuples, il y a des millénaires de cela, ils avaient les prophètes à leur sein, dans leur société, dans leur clan, dans leur tribu, dans leur village. Ils ne les suivaient pas. Ils prenaient les signes en dérision et ils se moquaient d'eux, ils se raillaient d'eux. Imaginez-le-vous le refus de ces peuples alors qu'ils avaient le prophète en face d'eux. Ils ne croyaient pas. Et ils avaient les signes en face d'eux. Ils ne croyaient pas. Et ils étaient plongés dans leur égarement et dans leur orgueil. Et ils rejetaient le message de ces prophètes et ces messagers. Bien plus encore, ces peuples combattaient les prophètes et les messagers. Et bien plus encore, beaucoup de ces peuples ensuite ont tué beaucoup de prophètes et de messagers. Subhanallah. Alors ces peuples-là, il y a des millénaires, avaient les prophètes et messagers à leur sein, face à eux. Ils avaient les messages, ils avaient les signes et les miracles face à eux et n'ont pas accordé foi. Imaginez-vous, vous, aujourd'hui, vous ne faites pas partie de ces temps où il y avait l'envoi des prophètes et des messagers. Mais vous, aujourd'hui, vous accordez foi au message des prophètes et des messagers. Regardez ce bienfait inestimable. Regardez ce bienfait inestimable de ceux qui reconnaissent cela. Et ça, ce rappel-là, on l'a comment? En se rappelant les histoires des prophètes et des messagers, en méditant sur leur appel, en méditant sur leurs mérites et leurs vertus, en méditant sur les épreuves qu'ils ont subies, qu'ils ont endurées. Ils sont restés constants dans leur mission, dans leur propagation du bien et dans leur enseignement des bonnes valeurs et des bonnes moralités et du monothéisme pur. Imaginez-vous le fait de méditer cela. Pour ça, il est très important de constamment reméditer cela, lire cela, et là, vous allez vous rendre compte de l'honneur de faire partie de ces partisans, de ceux qui croient aujourd'hui en fin des temps, Wallahu a'lam, ou que les signes de la fin des temps sont apparus, se manifestent. Chaque jour, le fait de faire partie de cette communauté, de ces soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a que ceux qui connaissent le mérite et la grandeur du tawhid du monothéisme, que ceux qui connaissent le mérite d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul, que ceux qui connaissent le mérite de l'appel des prophètes et des messagers, qui se rendent compte de cette valeur. Il ne faut pas rester insouciant. Et pour cela, lorsque vous voyez qu'à l'époque des prophètes et des messagers, ce qu'ils ont subi, ce qu'ils ont enduré sur le droit chemin, et là vous allez retrouver, comme on avait dit dans d'autres assises, un réconfort, une tranquillité, être rassuré. Les prophètes et les messagers, ils avaient la vérité. Et ils ont été calomniés, et ils ont été insultés, ils ont été injuriés, ils ont subi toutes les plus grandes polémiques. Et ils sont restés constants dans la voie d'Allah. C'est pour ça que l'histoire des prophètes et des messagers, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, c'est les plus grands rappels que peut avoir le croyant. Et donc le croyant se réjouit. Se réjouit et il est honoré de faire partie de ses suiveurs. Et donc, avant de commencer une nouvelle histoire qu'il y a dans le Coran, je voulais qu'on se fasse un rappel important. Donc, on a fait le premier rappel, l'importance de lire dans l'histoire des prophètes et des messagers. Et d'ailleurs, si vous voulez lire vraiment, vous approfondir dans ça, donc il faut ouvrir le Coran, qui est la meilleure source. Et aussi, pour bien comprendre ces versets-là, donc revenir dans les livres d'exégèse, où qu'il y a l'interprétation et le commentaire de ces versets, donc des détails ensuite sur ces histoires. Et des enseignements que les savants ensuite nous enseignent, qu'on s'est tiré directement de ces histoires. Deuxième rappel que je voulais faire, c'est sur la nuit du destin. On peut l'appeler la nuit du destin ou bien la nuit de la valeur. Pourquoi? Parce que dans la sourate, sourate al-Qadr, qui était, Allah nous a révélé la sourate Al-Qadr. Et Allah nous dit, Inna anzalnahu fi laylatil Qadr. Et ça, nous avons révélé le livre, le Coran, dans la nuit du Qadr. Dans la nuit du Qadr. Donc la sourate s'appelle sourate Al-Qadr. Al-Qadr, les savants nous ont dit, ça s'appelle Al-Qadr. Pourquoi? Parce qu'en cette nuit, il y a la prédestinée, le destin. Et le destin, justement, annuel se fait en cette nuit. Tout ce qui se produira dans l'année, tout ce qui sera prédestiné, décrété, tout ce qu'Allah Jalla wa'ala va prédestiner, décrété pour cette année, se fait en la nuit du destin. Donc il y a ce qu'on appelle le destin annuel. Et le destin annuel se fait fi laylatil qadr. Pour ça, certains savants ont dit que cette nuit-là a été appelée la nuit de qadr, du destin, par rapport justement à ce qui sera prédestiné, par rapport au destin annuel. Et d'autres savants ont dit aussi, ça prend le sens de la valeur. Ça a été appelé la nuit du destin, la nuit du qadr en arabe. On peut l'appeler aussi la nuit de la valeur par rapport à l'immense valeur qu'a cette nuit, qu'Allah lui a donnée à cette nuit. C'est pour ça qu'on peut la traduire par la nuit du destin comme la nuit de la Ainsi, valeur. Cette du nuit, c'est vraiment la nuit de la valeur. Donc elle détient une valeur immense. Et ce qui prouve cela dans cette sourate, dans la sourate Al-Qadr, si vous la lisez, premièrement, ce qui prouve l'immensité de la valeur de cette nuit, c'est qu'Allah Jalla wa'ala a descendu le livre en cette nuit. A descendu le livre en cette nuit. Donc ça, ici, ça indique déjà la grandeur de cette nuit. Le fait qu'Allah Jalla wa'ala descendit son livre dans la nuit du destin. Et Allah, dans le verset suivant, nous dit « وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ » Et que connais-tu, que sais-tu de Laylat al-Qadr, de cette nuit-là? Quelle merveilleuse nuit est Laylat al-Qadr? Wa ma adrak? Et qu'en sais-tu? Et c'est pour cela que cette nuit, elle est immense. Et il ne faut pas être distrait et sombrer dans l'insouciance. Pourquoi? Parce que de nombreuses personnes sont en train de perdre quelque chose de précieux, d'immense. C'est pour ça que beaucoup ignorent cela. Et c'est pour ça que c'est une grande faveur de la part d'Allah de nous avoir enseigné cela et de nous avoir donné cette occasion de pouvoir la donner, l'adorer plutôt, de pouvoir l'adorer en cette nuit, Laylatul Qadr. Allah nous dit qu'elle est meilleure que 80 mois. Pourquoi? Parce que 1000 mois, ça équivaut à plus de 80 années. 80 années. Donc cette nuit est meilleure. Il n'est pas dit qu'elle est équivalente. Elle est meilleure que 1000 mois. Et donc c'est plus de 80 années. 1000 mois, ça représente plus de 80 ans. 80 ans d'adoration. Donc celui qui passe, qui veille en adoration, dans l'évocation d'Allah, dans la révision, la récitation du Coran, dans le rappel, dans la demande de pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, cette nuit-là équivaut à plus d'une vie d'adoration. Elle est meilleure que plus d'une vie d'adoration. Et c'est pour ça que cette nuit-là, il ne faut pas la manquer. Cette nuit-là, il faut saisir cette occasion. Il faut saisir. Cette nuit-là est précieuse pour le croyant. Et c'est pour ça que les savants nous disent, parmi les sagesses et parmi le bien fondé, du fait qu'on ne sait pas exactement, on ne sait pas exactement laquelle de ces nuits sera la nuit du destin. Dans tous les cas, ce qu'on sait, c'est qu'elle fait partie de ces 10 nuits, des 10 dernières nuits du Ramadan. Les savants nous mentionnent 2 points, 2 sagesses, du bien fondé, de ne pas savoir exactement, le fait qu'on ne sait pas exactement quelle est cette nuit. Il y a des textes qui indiquent l'une des nuits, que ça serait peut-être celle du 27 ou du 25, ou les nuits impaires. On a des textes qui nous indiquent, mais on ne sait pas de source sûre quelle est cette nuit qui sera la nuit du destin. Alors les savants disent premièrement, pourquoi? Parce que ceux qui reconnaissent réellement le mérite de cette nuit, ceux qui connaissent la valeur de cette nuit, ceux qui la veulent cette nuit, alors ils vont se distinguer par rapport à ceux qui ne la veulent pas réellement et par rapport à ceux qui n'accordent pas autant d'importance à cette nuit. Donc on va se distinguer. On va se distinguer les gens dont Allah Jalla wa'ala a décrété que eux, ils veulent, ils ont cette ambition, cette intention de vouloir cette nuit, d'adorer leur créateur en cette nuit, eux vont se distinguer du fait qu'ils vont la rechercher. Et ils vont être fervents et endurants et constants dans leur recherche de cette nuit car ils connaissent la valeur de cette nuit. Donc là, le croyant pourra se distinguer. Deuxièmement, ça va être une cause pour multiplier l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que si le croyant sait quelle est cette nuit, alors il va faire effort dans cette nuit, qui sera la nuit du destin, et il délaissera les autres nuits. Et donc, de ce fait, il va perdre beaucoup d'actions et beaucoup d'œuvres pieuses. Et de ce fait, du fait qu'il ne connaît pas réellement quelle est cette nuit, donc le croyant, il va la chercher pendant les 10 nuits. Et donc, il va multiplier les adorations. Et donc, il va multiplier les efforts. Et tout ça va être à son actif. Tout ça, c'est pour son intérêt. Tout ça, il va le retrouver auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toutes ces adorations qu'il fait, cette recherche, juste la recherche de la Laylat al-Qadr, ça, il va le retrouver auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un investissement qu'il fait. Il a œuvré, et ces œuvres-là, il va les retrouver auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça ne sera jamais perdu. Ça ne sera jamais perdu. Contrairement à ce qu'on œuvre lorsqu'on recherche les objectifs et les effets de cette vie d'ici-bas, souvent on perd. Et c'est éphémère. Tandis que lorsqu'on œuvre pour notre au-delà, وَمَا تُقَدِّمُوا مِنْ أَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُهُ عِنْدَ اللَّهِ. Et Allah nous dit dans le verset, et ce que vous faites, وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ, ce que vous faites, pour vos personnes, ce que vous avancez pour vos personnes comme bonnes œuvres, min khayrin tajiduhu indallah. Allah nous dit, vous allez le retrouver auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et donc ça fait partie des grands bienfaits. Donc, ce que je me recommande, ce que je me conseille à moi-même, et ce que je vous conseille, c'est de la rechercher pendant les 10 nuits. Comme ça, vous êtes sûr que vous avez Laylatul Qadr. Et si vous avez Laylatul Qadr, si vous saviez le mérite de cette nuit, si vous saviez, regardez, c'est juste la rechercher pendant 10 nuits. Pendant 10 nuits. Et si vous tombez sur cette nuit qu'Allah Jalla wa Ala nous dit, Tanazzala, les anges descendent. Tanazzal. Tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi'idhni rabbihim min kulli amr. Les anges en cette nuit. C'est au cours de cette nuit que descendent, avec la permission de leur Seigneur, les anges et l'Esprit Saint pour exécuter tout ordre divin. Une traduction approchée du sens du verset. Les anges descendent dans cette nuit. Et ensuite, Allah nous dit que cette nuit est salamun hiya hatta matla'il fajr. Et cette nuit, dans cette nuit règne la paix jusqu'au lever du fajr. Cette nuit est salam. Il y a paix. C'est pour cela que les serviteurs se voient pardonner leurs péchés. Il y a le pardon des fautes, il y a le pardon des péchés. Allah les affranchit de l'enfer. Et c'est pour ça que celui qui a mal œuvré précédemment dans son passé, alors c'est le moment de se faire pardonner. Et c'est le moment, justement, d'obtenir de nombreuses hasanats. Et justement, le fait d'avoir cette nuit, donc, le serviteur, c'est comme si qu'il adorait Allah, subhanahu wa ta'ala. En une nuit, c'est comme si qu'il adorait Allah plus qu'une vie entière. Plus qu'une vie entière. Car qui sait qui va dépasser, par exemple, 80 années dans sa vie? Qui sait? Laylat al-Qadr, elle est mieux que 80 années. Elle est mieux que 80 années. Ça fait plus de 80 ans et à peu près 4 mois, plus encore. Qui sait qui va atteindre cet âge? Et même s'il atteint cet âge, qui est-ce qui reste pendant 80 années tout en adoration constante? Là, c'est comme si c'est meilleur. La personne qui a cette nuit, c'est meilleur que 4, plus de 80 années, plus de 1000 mois, 1000 mois. Elle est meilleure que 1000 mois d'adoration. C'est pour ça que ceux qui sont conscients de cela, ceux qui préparent leur au-delà, sachez, regardez, lorsque les hommes seront ressuscités, ils attendront leur jugement. Et donc les gens sortiront de leur tombe, ils entendront leur jugement. Là, on ne parle pas du jugement encore. On parle juste de l'attente du jugement. L'attente du jugement sera tellement terrible, que les gens iront chercher les prophètes. Iront chercher les prophètes. Pourquoi? Pour que les prophètes intercèdent. Et les prophètes vont avoir une parole commune. Les prophètes vont dire tous la même chose. Ils vont avoir une parole commune. Ils vont dire nafsi, nafsi, nafsi, mon être, mon âme. Notre Seigneur s'est mis en colère aujourd'hui d'une colère dont il ne s'est jamais mis en colère auparavant. Et jamais plus dans le futur, il se remettra en colère de cette manière. Les prophètes diront qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, ce jour-là, le jour de l'attente du jugement, Allah sera d'une colère dont jamais il a été en colère de la sorte avant. Et jamais plus il sera en colère comme celle-ci. Jamais plus. Et jamais il ne s'est mis en colère comme cela. Et ça, c'est juste pendant l'attente du jugement. Alors les gens, ça sera tellement terrible qu'ils iront demander intercession aux prophètes et aux messagers. Et donc, ils iront voir les prophètes pour qu'ils puissent aller intercéder en faveur des gens. En faveur des gens. Pour que le jugement soit hâté et précipité. Pour sortir de cette situation terrible de l'attente du jugement après la résurrection. Et donc là, c'est pour cela que le croyant, dans cette vie d'ici-bas, il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps. Si Allah Jalla Wa'ala a prescrit au croyant ce bienfait immense qu'il peut vivre pendant cette nuit et la chercher en adoration, il ne doit pas laisser ses instants. Il doit avancer des œuvres. Il doit investir pour son au-delà. Les pieux auront, les vertus auront une situation spécifique auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, une situation énorme auprès d'Allah. Ils seront gratifiés, Allah va les récompenser subhanahu wa ta'ala. Et donc c'est pour ça, celui qui craint Allah subhanahu wa ta'ala, il ne doit pas manquer ces moments dans la futilité, dans les pertes de temps. Regardez combien de gens, pendant ces nuits, ils les perdent dans ces nuits-là, ces instants-là, combien de jeunes les perdent dans des futilités, dans la perte de temps. Il y en a qui passent leur nuit à des futilités. Il y en a qui passent leur nuit carrément dans des péchés pendant ces nuits-là. Il y en a qui passent leur nuit dans des distractions sans qu'il y ait aucune utilité pour eux, aussi bien dans la vie d'ici-bas que dans l'au-delà. Donc, Shaitan va les écarter de l'adoration d'Allah, va les écarter de ce bienfait-là. Et c'est pour cela. Et d'autres encore dans notre communauté passent leur nuit pour la nuit du destin dans des cabarets, dans des lieux de débauche, en pensant c'est comme ça qu'il faut fêter la nuit du destin. Et ces gens-là pensent bien faire. Regardez, ces gens-là pensent bien faire alors qu'ils sont en train de perdre le mérite de cette nuit-là. Vous savez, c'est juste la chercher pendant 10 nuits. Les salafs, ils disaient, un pieux prédécesseur disait, s'il fallait la chercher toute l'année, toutes les nuits de l'année, s'il fallait la chercher toute l'année, alors toutes les nuits de l'année, on sera en adoration. Tellement que cette nuit, elle est précieuse. Mais regardez la grâce d'Allah, la miséricorde d'Allah. Cette nuit-là, on ne la recherche pas toute l'année. On n'est pas en attente de toute l'année. C'est pendant 10 nuits. On est en recherche. Là, on la cherche. On la veut. On la désire. On veut le mérite de cette nuit. Il faut la chercher pendant 10 nuits. C'est juste 10 nuits. Regardez, ce pieux prédécesseur disait, s'il fallait que je la cherche toute l'année, je resterai toute l'année en adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala pour la voir. Et là, regardez la grâce, regardez, là on se rend compte de la miséricorde d'Allah. Cette faveur-là, cette grâce-là, elle est pendant 10 nuits. Il faut rester ferme, constant là. Il faut garder sa constance pendant 10 nuits. Et là, regardez, c'est bientôt fini. Les gens commencent déjà à poser des questions sur Zakat al-Fitr. Sur la zakat de la rupture. Là, on commence déjà à parler de l'Aïd. Les gens commencent déjà à parler des achats pour le Aïd, de préparer la fête de l'Aïd. Donc, on voit la fin arriver, la fin de ce mois. Ce mois va bientôt partir. Donc, il va bientôt nous quitter, malheureusement. C'est pour ça qu'il faut rester. Il faut rester constant. Il faut persévérer encore ces quelques nuits et rechercher là pendant ces dernières nuits. Inch'Allah. Wa nas'Allah an yuwaffiqana. وأن يتقبل منا صيامنا وقيامنا وصالح الأعمال Et multiplie aussi la demande de pardon. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka.